Je sais, ce truc, il est con. Faut bien juste faire sentir à la fin quand t'es en si, là, en B majeur et passer en B mineur. Faut bien faire sentir que tu passes de majeur à mineur. C'est juste la petite subtilité, toi. Faut faire sentir le si majeur et le si mineur tout de suite derrière. C'est là toute la subtilité.